Édition spéciale des journaux étrangers consacrée au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, avec son portrait en sourire et ses photos, et sous les manchettes, la naissance de son excellence Monsieur Kim Jong-il et le monde, et Kim Jong-il, grand penseur et théoricien. Le journal bulgare Iskra, le biélorusse Buperiod, le thaïlandais Sengxiang Libao, le tanzanien Uhuru, le sénégalais Vox Populi, le mozambicain Noticias, le guinéen Horoya, l'égyptien Al-Ahuraru et le zambie Daily Mail ont écrit que la naissance de Kim Jong-il a été un événement de grande portée non seulement pour la destinée et le développement du peuple coréen, mais aussi de l'humanité progressiste de par le monde. Ils ont loué les mérites du général qui s'est consacré entièrement pour la prospérité de la Corée et le bonheur du peuple et pour l'émancipation du monde entier.